juge mais vous condamne. La haine, la haine, je la vois brûler dans vos yeux. La haine, la haine, qui fait de vous des malheureux. Je hais la haine. Je vous l'avoue, je n'ai pour vous que du dégoût. Pourquoi faut-il que dans ce ville on aime autant la haine, la haine. Au nom du Père, au nom du Fils, la haine, la haine, qui fait de nous vos complices. La haine, la haine, c'est le courage qui manque aux lâches. La haine, la haine, la sœur de l'amour mais qu'on cache. Je vous en dis pour toute ce nuit à vous entendre sans vous comprendre. Vous en oubliez même le plaisir. Le seul qui compte, mes amis, mes frères de sang, vous que j'aime depuis si longtemps, est-ce que comme moi, sur vos épaules, vous sentez la mort qui vous frôle? Vous qui riez de tout, de rien, qui vous moquez bien de demain, moi, Roméo, qui vis debout. Ce soir, ami, je vous l'avoue, j'ai peur que nos ombres si légères demain se changent en pierre, que les étoiles qui nous guident un jour nous poussent au vide. Se prennent dans nos guitares. Vous mes amis, mes frères de goût, vous qui voulez goûter à tout. Les fruits du cœur sont les plus tendres, mais ils se meurent quand vient décembre. Vous qui avez de la jeunesse, contre eux. C'est bien la place, mais pour un pas pour eux. Et nous en bas, la guerre on la fera pas. On sait même pas pourquoi. Tout ça c'est jeu de roi. Nous on fait l'amour, on vit la vie jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos péages? On sait que le temps c'est comme le vent. quelle étoile, à quel dieu je dois cet amour dans ses yeux qui a voulu de la cet amour dans ses yeux, que leur volonté soit faite, car Roméo aime Juliette. S'il faut prier, je prierai, s'il faut se battre, je me battrai, mais pourquoi faut-il payer le droit de nous aimer? Change l'histoire, la nôtre commence à ce soir. Et tant pis si ça dérange, qu'une puce elle aime un ange. À quelle étoile, à quel dieu, je dois cet amour dans ses yeux. fous. Mais sans lui, on n'est rien du tout. Moi, le mien est pour Dieu. Je ne vis que dans ses yeux. Par amour, on peut souffrir. Je suis prêt à en mourir. On se avec une autre. Quand elle dit ma fille, moi je pense c'est la nôtre. Pourquoi pour plaire à leur mari, tant de femmes comme elle oublient qu'elles ont fait des enfants, qu'ils auront 20 ans. Et Juliette a grandi. Et voilà qu'elle est. Et voilà qu'elle danse. Elle me dit je l'aime. Elle sort de l'enfance. Et moi qui suis là, qui regarde et qui vois, je donnerais tout même ma vie pour cet enfant qui et voilà qu'elle est. Ses parents, déshonorer son rang. Mais toi qui vis comme un ange, toi que rien ne dérange, tu crois que tout s'arrange, mais la vie un jour se venge. T'avais pas le droit, t'allais pas de moi, t'avais pas le droit, on n'avait pas su moi, t'avais pas le droit, je n'aimerais jamais. Tu as perdu la tienne et réveillé la haine. On dit dans la rue que pour toi y a plus d'issue, que pour sauver ton honneur il faut quitter cette fleur. Mais toi qui vis comme un ange, toi que rien ne dérange, tu crois que tout s'arrange, mais la vie un jour se venge. Vous qui savez tout de moi, vous doutez ainsi pourquoi, pourquoi me juger ainsi, vous mes frères, vous mes amis, je suis libre, vous l'étiez, avant de vouloir me juger. Bien sûr c'est la vie qui choisit, bien sûr c'est la vie qui choisit, mais pourquoi la vie de ton débattre, fini de rire. Tu n'es qu'un fat, non, tu es pire. Ton âme boite, mais toi tu crois courir. Le son de ta voix, ta façon de marcher, tout, tout en toi me donne la nausée. Tibalt, Tibalt, je vais te tuer. Mercutio, regarde-toi. Tu as de l'esprit, mais tu n'as que ça. Tu n'es qu'un bouffon, un poète raté. Et quand j'entends ton nom, je me bouche le nez. Maintenant, c'est terminé. Depuis notre enfance, je n'ai qu'une idée. Enfin, ma patience va être récompensée. Mercutio, je vais te tuer. Arrêtez. Qu'on soit le diable en enfer, le vent qui souffle sur les mers.

있으면 사랑을 꿈꾸고 벼슬아치 무릎이 스치면 곱실대는 꿈꾸고 변호사의 손가락 스치면 돈 버는 꿈꾸고 병사들의 목덜미 스치면 목 빼는 꿈꾸고 온갖 꿈 다스리는 맨 여왕 맨 여왕 요정들의 여왕 요정들의 여왕 맨 여왕 요정들의 여왕 맨 공기처럼 멀고 곧 바람처럼 변덕스런 꿈 헛된 망상에서 태어난 꿈 다스리는 Mad Yeoman, Mad Mad Mad Mad Mad Yeoman, 요정들의 여왕, 요정들의 여왕, Mad Mad Mad Mad Mad Yeoman, 요정들의 여왕, Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Yeoman, 요정들의 여왕, 요정들의 여왕, Mad Mad Mad Mad Mad Yeoman, 요정들의 여왕 별 잠긴 내님의 두 눈 찾았네. 주인 부모님께 하늘에서 축복이 내리시길. 하기 씨가 저질될 때에 적국지의 숲만 보고는 귀여운 파고 신통 부리며 적국지와 싸움했네. 하기 씨가 저질할 때에 다리를 벌리며 남자를 봤던 신용을 하며 엄직맞게 울었죠. 속점던빌보지말자중열된도는소롱에젖은눈동자할일없이적을찾네이런날이런기분이라면끓는혈기참아보자친구야이런날이런기분엔짜증나미치겠다친구야이런날이런기분엔피를봐야겠어친구야 길거리에서기침하는농사상진난잠자는동계깨운농사상진와예와예 너를 보고 날개로 오시도록 밤새 노래하고 아침이 밝으면 이제 노래하고 아침이 밝아오면 이제 가셔야 하나요 소적새 지적이고 새벽이 밝아온다 하여도 보답할 때 감겨진 두 눈 별빛보다 맑게 입술이 따뜻해요, 로미오. 새벽이 슬 마음은 的 Pops 音乐就到这里，感谢收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 까만 밤에 빛나는 보석 그댄